Maintenant, si chemin se dit camino, C-A-M-I-N-O, et montrer, mostrar, M-O-S-T-R-A-R, et que ce verbe cède sous la pression de l'accentuation, comment direz-vous « Tu me montres le chemin »?« Me muestras el camino ?»« Me muestras el camino ?» Vous entendrez certainement plus souvent le verbe « enseñar » E-N-S-E-N avec tilde A-R pour « montrer ». Mais vous pouvez utiliser « mostrar ». On vous comprendra parfaitement. En utilisant « a los invitados » pour dire « aux invités », traduisez. Nous montrons notre maison aux invités. Mostramos nuestra casa a los invitados. Mostramos nuestra casa a los invitados. Le O ne devient pas UE avec nous, car on n'insiste pas dessus à l'oral. Dans mostramos, on appuie sur le A. Mostramos. Et en voici un petit dernier. Jouer se dit jugar, J-U-G-A-R. Jugar est souvent suivi de A, comme en français, jouer A. C'est aussi un verbe qui ne résiste pas à la pression et dont le U devient U-E. Donc, comment diriez-vous « je joue au tennis tous les jours » En français, on a O, qui est la contraction de A plus le. En espagnol, c'est la même chose. A plus el deviennent al. Donc, comment dites-vous « je joue au tennis tous les jours » Juego al tennis todos los días. Juego al tennis todos los días. Le mot « tennis » ne s'écrit qu'avec un seul N. T-E-N-I-S. Et pour finir, essayez de traduire. Je suis désolé que tu ne puisses pas jouer au tennis avec moi, Roberto. Je suis désolé que se dit siento que. Et avec moi, conmigo. C-O-N-M-I-G-O. Siento que no puedas jugar al tennis conmigo, Roberto. Siento que no puedas jugar al tennis conmigo, Roberto. On exprime une émotion. Donc, on change de terminaison. On passe de « puedes » à « puedas ». C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas jouer avec moi, Roberto, car on joue très bien. Jugamos muy bien. Et le « u » ne se transforme pas ici, vu que l'on insiste sur la terminaison, sur le « a » plus précisément, et non sur le « u » de la racine. La plupart des verbes qui cèdent sous la pression de l'accentuation se comporte assez bien dans tous les temps, sauf au présent, au subjonctif et pour donner un ordre. Donc, pour tous les autres temps, vous n'avez qu'à ajouter les terminaisons habituelles. Et lorsque vous lisez, essayez de repérer ces verbes dont les voyelles deviennent « ie » et « ue » et tentez de retrouver leur infinitif. Vous pourrez ainsi déduire leur sens plus facilement. Il existe également une autre petite astuce. Ce changement de voyelle ne concerne pas que les verbes, mais tous les mots d'une même famille. Ainsi, nous avons déjà vu le mot « sueño » pour « sommeil ». Le verbe lui correspondant est « soñar », qui signifie « rêver ». On peut déduire alors que le verbe aura aussi les voyelles « ue » lorsqu'il sera conjugué. Et effectivement, on a sueño, sueñas, sueña, sueñan. Sachant que un conte, celui qu'on lit aux enfants, se dit cuento, C-U-E-N-T-O, et que le verbe de la même famille est contar, C-O-N-T-A-R, raconter, comment diriez-vous je raconte? C'est effectivement cuento. Le verbe contient, comme le nom, les lettres « u », « e » lorsqu'il est conjugué. Cette astuce fonctionne aussi pour le changement de « e » à « ie ». Si l'on a par exemple l'adjectif « caliente », C-A-L-I-E-N-T-E, S-H-O-W-E-N-T-E pour show, on peut déduire que le verbe de la même famille, calentar, C-A-L-E-N-T-A-R, qui signifie réchauffer, subira un changement de voyelle, I-E, et on a effectivement caliento, calientas, calienta, calientan. Par contre, le nom dîner se dit cena, C-E-N-A. On peut donc être sûr que le verbe cenar, dîner, ne subira pas de changement de voyelle. Et on dit en effet ceno, je dîne, cenas, tu dînes, cena, il dîne, etc.